mon Dieu, mon Dieu. Même si j'ai tort, laissez-le-moi un peu. Même si j'ai tort, laissez-le-moi encore. Je n'aime rien. Je prends toujours des rues qui vont trop loin, d'interminables rues où je me perds, des quais, des avenues et des boulevards déserts, puis entre deux maisons, j'entends le tintamarre d'un long train sur un quelque part dans la ville inconnue, soir et matin, comme ce chien perdu, je reviens. Il y a les passants qui ont l'air de vous fuir et qui n'ont pas le temps de vous faire un sourire dans la ville inconnue. Quand vient la nuit, j'ai peur des murs tout nus, des murs tout gris. J'ai peur de cet hôtel au lit trop froid et du matin gruel me réveillera, car je voudrais dormir même le jour, avec mes souvenirs d'amour, dans la ville inconnue, je pense à toi. Mais toi, te souviens-tu encore un peu de moi? Paris, quand un amour pleut, ça fait pendant les siens, le cœur qui проходит жизнь, меняются певцы, но песня всегда будет жить в Париже. Она неотделима от него, как Эйфелева башня, Нотр-Дам и большие бульвары. Dans tous les beaux quartiers de Paris, le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête. Et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en barreau qui vous chargent en front avant le stationnement où il y a encore l'agent. Des taxis au café, on voit n'importe qui voit n'importe quoi, qui parle avec ses mains et qui l'a depuis le matin. Au café, il y a la scène à n'importe quelle heure, et là ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux. À la scène, et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère par les jolis bateaux se promener sur elle. Et au fil de son eau, jouer au на этой земле не сумел так любить, как я тебя люблю. Не покидай меня никогда. Земли самой я. О, мир за то, и чай край, сна. Još uvek nisi tu, o šta da radim ja? Ne mogu više sam. Jesi ti nje zabila, jesli pomniš, pa i šimena na naših ljubivnih mestah, pa celuj menja, hacija bi va svojih vaspominanijah, pa i šimena na našoj krajine. совесть, не прощаю вас. Думали, что лучше будет так. А как жить теперь? Как нам жить теперь без любви? Мы расстались, насталась боль. Боль моя в песню преобразилась. Ты слышишь ли? Слышишь? Она твоя. Куда сад, а шта смо сад без любови? И одо смо, ал оста бол, бол кој песму испева. Дал чујеш њу, дал чујеш њу, у њој си ти. Romana. je vatra vulkana, pred vulkanom tog žara. Koga igrom razganaš, pa bacaš na nas romana. I sve oči zažele da te pomalo piju, i sve ruke bi htele da te dotaknu bar romana. Thank you.